Activité 12 et 13. Ben non, j'aime pas du tout mon physique. Je trouve que j'ai l'air d'un pot de yaourt. Écoutez, moi, quand je vous regarde, je vois avant tout une jeune femme avec un très joli visage, avec de beaux yeux bleus. Mais bien sûr, il faut les mettre en valeur avec un bon maquillage. Et puis, évitez de porter des lunettes. Mettez plutôt des lentilles de contact. Soyez moins classique. Oui, pourquoi pas, je peux essayer. Et puis, vous n'êtes pas très grande. Il faut porter des chaussures à talons. Oui, je n'ai pas l'habitude. Et je ne suis pas très mince non plus. Mais vous pouvez jouer sur les couleurs et sur les formes aussi. Oui, j'ai tout essayé, rien ne me va. Passez donc cette petite robe noire en soie, toute simple. Vous faites un petit 40, c'est ça? Oui. Et vous chaussez du 36, on a dit. Tenez, essayez ces escarpins aussi. Voilà, magnifique! Vous voyez, il vous faut des couleurs sombres pour affiner votre silhouette et des rayures pour allonger aussi. Oui, c'est vrai, c'est bien. Je vous conseille de porter toujours des chaussures à talons avec une jupe ou une robe assez longue. Ouais. Et puis, n'hésitez pas à porter des accessoires. Regardez la robe avec cette écharpe bleue qui rappelle la couleur de vos yeux. C'est superbe! Ah oui? Et puis, vous devez vous faire couper les cheveux pour vous donner du style. Couper mes cheveux? Mais bien sûr! N'ayez pas peur de changer!